Ah chérie, hier j'ai appelé Direct Assurance pour assurer la nouvelle maison. Ah, j'ai bien fait, parce que quand t'es partie ce matin, une météorite s'est écrasée dans le jardin. Elle s'est arrêtée juste devant la porte. Impossible de sortir. Quoi ? T'as pas emmené les enfants à l'école ? Hein ? Si ? Ouais, t'as juste appelé Direct Assurance, quoi. Ouais, bon, ça va. Quand on est bien assuré, on n'a pas grand-chose à raconter. C'est pour ça que Direct Assurance a été élu service client de l'année 2020. Direct Assurance, intermédiaire d'assurance immatriculée à l'Orias. Coordonnées et conditions sur directassurance.fr. Études BVA Group visée OCI 2019. Info sur escda.fr. La tragédie de juin 1940, l'appel de la dernière chance au président Roosevelt. We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. L'ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Autour du 10 juin, alors que le gouvernement français de Paul Reynaud s'est replié dans la vallée de la Loire, la situation militaire apparaît comme catastrophique et on se pose la question de l'intervention des États-Unis. Elle a été décisive pour l'issue de la première guerre. Va-t-elle faire d'une guerre en Europe contre l'Allemagne une guerre mondiale des démocraties contre le nazisme? Nous sommes en liaison avec New York. Bonjour Arnaud Blin. Bonjour. Arnaud Blin, vous êtes un historien international. Il n'y a pas d'histoire aujourd'hui qui ne soit internationale. Vous résidez aux États-Unis et je voudrais que vous nous parliez de quelques-unes des leçons que vous tirez d'une question que vous posez dans un livre limpide, « Comment Roosevelt fit entrer les États-Unis dans la guerre ?» C'est paru dans une collection de poche, maintenant, Archidoc, une collection d'André Versailles. Arnaud Blin, il faut d'abord qu'on parle du président Roosevelt, de ce qu'il est. Il est élu en 1932 sur un programme d'abord national, résoudre une crise économique sans précédent, mais avant même d'arriver à la Maison Blanche, il a une expérience internationale. Il a même, peut-on dire, une expérience de la guerre en France. Oui, tout à fait, puisque en 1918, il est sous-secrétaire d'État à la Marine dans le gouvernement de Woodrow Wilson. Et il vient faire un voyage en Europe, en Angleterre et en France, au mois de juillet, mois d'août 1918, donc en pleine bataille de la Marne. À Londres, il rencontre Churchill lors d'un dîner, dont Churchill ne se souviendra pas d'ailleurs, ce qui causera quelques petits problèmes quand ils se remettront en contact en 40-41. Et ensuite, il vient en France, il arrive à Dunkerque, il rencontre Clémenceau, ils ont un long entretien au cours duquel Roosevelt est impressionné par le vieux tigre. Qui a des propos dont il se rappellera longtemps, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Clémenceau lui dit, en gros, vous savez pourquoi nous allons battre les Allemands ? Non pas parce que ce sont de mauvais soldats, mais parce que nous combattrons mieux, parce que nous savons que nous combattons une guerre juste. Alors la guerre juste, en 1936-1939, pardonnez-moi de vous interrompre, Arnaud Blin, il est très impressionné, il est président maintenant depuis un mandat, il est élu pour un deuxième mandat, il est très impressionné par la guerre d'Espagne. C'est une guerre juste qu'il faut mener peut-être en Espagne, pense-t-il. Il est très impressionné par l'attitude du Japon, il est très inquiet des prétentions de Hitler, au point de commencer à dire en privé que la frontière des États-Unis, c'est le Rhin, parce qu'il y a une frontière entre les pays du bien et les pays du mal, dirait-on aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bon, c'est une vieille idée américaine, hein, celle des forces du bien contre les forces du mal. Lui-même, depuis toujours, dit que le monde est un monde interdépendant. Donc la sécurité des États-Unis ne s'arrête pas aux frontières des États-Unis, elle est en Europe. Il est très tourné vers l'Europe, c'est quelqu'un qui a une culture européenne, plus que mondiale. Hein. L'histoire de l'Angleterre, l'histoire de la France, c'est ça que les jeunes gens de sa caste à l'époque connaissent le mieux. Donc il est tourné vers l'Europe, il est francophile. Et pour lui, il comprend très tôt. Il arrive au pouvoir au même moment que Hitler, hein, donc pratiquement jour pour jour en 1933. Et il comprend très vite, bien avant beaucoup d'autres de ses concitoyens, qu'il va y avoir des problèmes et que Hitler, c'est quelque chose de différent. C'est vraiment c'est l'incarnation du mal. Donc oui, il se voit dans une croisade contre le mal. Mais une croisade, Arnaud Blin, très tôt. Une croisade dont les pionniers, dont les vigies, ce sont quand même d'abord la France et l'Angleterre, parce qu'il met beaucoup de temps. Vouloir convaincre les Américains de la nécessité peut-être d'une intervention. Nous sommes ici dans une scène tirée du film Week-end Royal, l'été 1939. Le roi George VI, le nouveau roi d'Angleterre, le roi Beg, rend visite dans sa maison de campagne longuement à Hyde Park, sur les bords de l'Hudson, au président Roosevelt, le président Polio. Cette guerre que désormais nous considérons comme inéluctable, le carnage. Ah, ce satané bégaiement! Quel bégaiement? Cette satanée polio. Il m'arrive de penser qu'il mérite mieux que moi. Je parle de tous mes sujets. Pourquoi vous dire cela alors qu'il m'incombe de vous convaincre de nous apporter votre aide? Permettez-moi de vous livrer quelques-unes de mes réflexions. Nul n'a jamais mentionné la fichue chaise roulante qui m'accompagne tout le temps. Aucune allusion. Avant, je me disais, c'est parce qu'ils ressentent une forme de gêne en tout voyant. À présent, je pense que ce n'est tout simplement pas ce qu'ils ont envie de voir. Eux n'y prêtent pas attention quand ils font appel à nous. Je vous laisse imaginer leur immense déception s'ils nous voyaient tels que nous sommes en réalité. Ils ne me voulaient pas comme roi. J'ignorais que le roi ait été élu en Angleterre. Voilà, le président essaye de se lever, il montre à George VI qu'il n'y parvient pas à cause de sa polio. Et alors, les grands hommes, ils doivent surmonter les circonstances, rendre possible ce que les circonstances, en principe, rendent impossible. Mais la différence entre George VI et Roosevelt, c'est que Roosevelt est élu. Il a des élections qui sont programmées pour novembre 1940. Et il y a un très fort courant, Arnaud Blin, isolationniste aux États-Unis. Oui, tout à fait, dont le porte-parole d'ailleurs est Charles Lindbergh, le America First Committee, qui est minoritaire, mais qui est très parlant, qui est très présent dans les médias et ailleurs. Il y a un courant interventionniste aussi, assez fort, mais dont Roosevelt ne fait pas partie. Il essaye de se tenir à l'écart. Il suit les sondages sur l'opinion publique qui montrent qu'à cette époque, je parle de avril, mai 40, 90% des Américains sont toujours contre une intervention américaine. 60-70% sont contre même une aide. Donc il attend son heure. Il sait qu'elle arrivera, il s'y prépare du mieux que possible, parce que vous avez les lois sur la neutralité qui commencent en 1935 et qui empêchent aux États-Unis, ce sont des lois votées par le Congrès, qui empêchent aux États-Unis d'intervenir de quelque façon que ce soit à l'extérieur, sauf pour vendre des armes et des munitions selon les accords de 1939. si ceux qui les achètent les payent cash et les transportent. Donc maintenant, il y a quand même, à partir de la déclaration de guerre de septembre 1939, la possibilité pour les États-Unis de vendre à la France et à la Grande-Bretagne. Et il faut, pour le président, se comporter un peu comme la truite dans la rivière, vous savez, échapper de temps en temps au regard, aller plus loin, aller plus vite, mais en s'étant dérobé avec une part de dissimulation. En mai, juin 40, on est quelques mois avant le scrutin de novembre 1940, où Roosevelt, pour la troisième fois, c'est exceptionnel aux États-Unis, est candidat. Si vous le voulez bien, maintenant, nous allons prendre les choses, Arnaud Blin. Vous êtes toujours en direct depuis New York, à Tours, parce que le gouvernement vient de s'y réfugier, le gouvernement français, dans le plus grand désordre. Voici le témoignage d'un gamin de 16 ans à l'époque, devenu plus tard journaliste, Claude Payat. On voit passer dans la rue nationale, qui est la grande artère, qui coupe Tours pratiquement en deux, les gens qui arrivent de Bordeaux, de Paris, je veux dire, et qui descendent vers Bordeaux. Alors, disons, c'est la France entière, c'est Paris qui descend. C'est Paris, le Paris dirigeant, le Paris des belles dames, le Paris des salons, le Paris des ambassades. Tout le monde défile et tout ce qui entoure la vie dirigeante d'un grand pays, des grandes administrations qui se répartissent dans la plus grande improvisation et la plus grande confusion dans les hôtels et les restaurants de Tours. Ainsi, dans des restaurants, on voit des ministres, on voit tout ça, on se cherche, il y a tout ça au milieu de voitures qui ont des matelas sur le toit contre les mitraillages éventuels de l'aviation allemande, et dans un désordre inimaginable. Désordre d'autant plus grand que à Tours s'ajoute un réseau, si on peut appeler ça un réseau, de châteaux où sont dispersés les différents ministères et les différentes ambassades. C'est pas un détail, Arnaud Blin, que de dire que l'ambassadeur américain à Paris, Monsieur Bellit, il est resté seul de son espèce dans la capitale française en disant, pendant la terreur, gouverneur Maurice, le premier ambassadeur américain, était resté à Paris. Pendant la Commune, l'ambassadeur américain était resté à Paris. Il n'y a pas d'ambassadeur en poste auprès du gouvernement qui est en train de se déplacer de Paris à Tours, puis à Bordeaux. Non, ce n'est pas un détail. D'abord parce que Roosevelt n'est pas d'accord avec lui. Il voudrait qu'il suive le gouvernement français. Bullitt, lui, reste à Paris, il envoie des messages à Roosevelt pour lui demander de l'aide humanitaire, que Roosevelt ne va pas lui envoyer, évidemment. Et c'est un problème, parce que ça donne l'impression que les États-Unis se désengagent du gouvernement français, qu'ils ne le soutiennent pas. Donc ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui vont vouloir signer l'armistice, en l'occurrence Pétain, Weygand, et ça affaiblit Paul Reynaud. De Gaulle en parlera d'ailleurs dans ses mémoires en critiquant l'attitude de Bullitt en disant que ça a vraiment affaibli la... Ça affaiblit Paul Reynaud. Le 13 juin, Arnaud Blin, dans le bureau du préfet de Tours, se réunissent Churchill et quelques-uns de ses ministres, Reynaud et quelques-uns de ses ministres, et Churchill comprend bien que le parti de la paix gagne des points au sein du gouvernement, et il prie les Français de ne pas abandonner la partie avant d'exposer la situation telle qu'elle est au président Roosevelt. Mais j'aimerais que vous nous disiez, quel est, depuis Washington, le regard que Roosevelt porte à cet instant sur Churchill, qu'il regardait un peu comme un ivrogne, hein. Il disait ça en privé, quand Churchill était arrivé au pouvoir. Oui, alors c'est un peu une obsession qu'il a sur Churchill. Churchill, il faut savoir qu'il l'a contacté directement début septembre 1939, alors que Churchill n'est que ministre de la Marine. Mais tout de suite, il a compris que s'il y avait un homme sur qui il pouvait compter, ça serait celui-là, et il le contacte directement sans passer par Chamberlain. Mais il se méfie quand même toujours de lui, aux gens qui l'ont rencontré, qui l'ont fréquenté, comme Joe Kennedy ou d'autres, et il leur demande assez souvent, mais est-ce que c'est un ivrogne? Est-ce qu'on peut compter sur lui? Et puis le 4 juin, quand Churchill fait son discours après avoir rapatrié les troupes de Dunkerque, où il dit « Nous nous rendrons jamais, nous irons combattre sur les plages, Roosevelt est à la Maison Blanche, il écoute le discours. Et à la fin du discours, il dit à sa femme, Éléonore, « Je crois que là, nous avons la personne sur qui on peut compter. » Donc à partir de là, il est complètement dévoué à la cause de Churchill. Il a trouvé. C'est quelqu'un qui doit faire confiance. Hein. De Gaulle, il n'aura jamais confiance en lui. Ça, on y viendra. Churchill, il a confiance en lui. Donc à partir de là, ils peuvent développer une relation proche. Le 13, Churchill dit « Moi, en rentrant en Angleterre, je lancerai aussi un appel au président américain. Essayons, ce ne sera pas tout à fait le cas, de faire en sorte que les deux appels soient semblables. Voici celui de Paul Reynaud dans son collaborateur Roland de Margerie disait, bon, c'est un peu emphatique, ça fait un peu littérature de Provence, avec notamment dans la version finale, la comparaison entre la France et le noyé qui tend la main vers l'allié secourable. J'ai demandé au président Roosevelt, vous le savez, je lui adresse ce soir un nouvel et dernier appel. Chaque fois que j'ai demandé au président des États-Unis d'augmenter sous toutes les formes l'aide que permet la loi américaine, il l'a fait généreusement et il a été approuvé par son peuple. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Il s'agit aujourd'hui de la vie de la France. En tout cas, des raisons de vivre de la France. Notre combat, chaque jour plus douloureux, n'a désormais de sens que si, en le poursuivant, nous voyons grandir, même au loin, l'espoir d'une victoire commune. Ce message aux Français qui raconte la lancée de l'appel à Roosevelt a été enregistré très tard par Paul Reynaud, dit-on, dans une voiture sur le bord d'une route. Oui, parce que il y a l'exode. Les administrations, les ministères, les ambassades sont dispersées dans des châteaux et les États-Unis sont représentés par l'ambassadeur auprès du gouvernement polonais en exil, parce que le gouvernement polonais en exil est installé à Angers. Ça n'a pas été facile, la transmission, Arnaud Blin. Par quels moyens? Par le chiffre? Par le téléphone? Comment a-t-on fait? Oui, par le chiffre. Mais enfin, Roosevelt communique régulièrement avec Paul Reynaud. Ils ont échangé déjà le 10 juin. Quand avant même et le 10 juin, quand il lui répond, Roosevelt lui promet des armes et des munitions. Il lui promet même de redoubler les efforts pour envoyer des armes et des munitions, ce qui semble laisser une porte ouverte à une action alors, plus forte. Quelle va être la réponse? L'attente est forte, je vous propose, parce qu'on met toujours une chanson, vous connaissez notre émission, au milieu. Voici un refrain, deux refrains et un couplet d'André Passedoc. C'est une chanson de circonstance. Je n'attends qu'une lettre, deux ou trois mots de toi. Et je me dis peut-être, demain mon tour viendra. Mais chaque fois, ce rêve fou s'en va bien vite. Hélas, pourquoi faut-il un jour que l'on se quitte? Je n'attends qu'une lettre, deux ou trois mots de toi. Et je me dis peut-être, demain mon tour viendra. Mais l'espoir peut renaître pour bercer mon émoi. Je n'attends qu'une lettre, un petit mot de toi. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. J'attends un petit mot de toi. Un appel a été lancé le 13 au président Roosevelt par le président du Conseil Reynaud. Le président du Conseil Reynaud va s'ébranler avec toute sa suite vers Bordeaux. La réponse se fait attendre. Sera-t-elle claire? Comment peut-on l'interpréter? Quelles sont les limites, d'ailleurs, dans lesquelles doit se tenir le président Roosevelt? Nous sommes en lien à New York avec Arnaud Blin qui a publié récemment chez Archidoc comment Roosevelt fit entrer les États-Unis dans la guerre. Mais il n'en est pas question encore pour lui, au mois de juin 40. Non, pas du tout. De toute manière, il n'a pas le droit de déclarer la guerre. Hein. C'est le Congrès qui est habilité à déclarer la guerre. Le Congrès est loin de vouloir déclarer la guerre. Et bon, le petit mot que va recevoir Paul Reynaud, c'est un peu un coup de poignard, hein, finalement, parce que bon, c'est un message de soutien où il réitère sa promesse d'envoyer des avions, de l'artillerie, des munitions. Mais au bout du compte, la dernière phrase qui lui dit, c'est le message du 15, hein, là dont je parle, il lui dit vous comprendrez bien que tout ce que je dis n'implique pas une intervention militaire. Seul le Congrès est habilité à faire une telle intervention. Donc alors, là, pour comprendre le coup de massue que ce coup de poignard représente pour Reynaud, je vous propose qu'on entende, vous venez de les résumer, les termes mêmes de cette réponse, qu'on interprétera de nouveau avec vous ensuite. En premier lieu, laissez-moi vous répéter que le peuple américain et son gouvernement contemplent avec une admiration sans cesse croissante le splendide courage avec lequel les armées françaises résistent à l'invasion sur le sol français. En ces heures si cruelles pour le peuple français et pour vous-même, je vous envoie l'assurance de ma très profonde sympathie. Je puis vous certifier qu'aussi longtemps que le peuple français continuera la défense de sa liberté, qui est celle aussi des institutions populaires à travers l'univers, il peut être assuré que matériel et approvisionnement seront envoyés des États-Unis en quantité et en variété sans cesse croissante. Je sais que vous comprendrez que ces déclarations n'entraînent aucun engagement d'ordre militaire. Seul le Congrès peut prendre de tels engagements. Alors, ça ne va pas suffire, évidemment, à arrêter la route du clan de la paix à Bordeaux, la route de l'armistice. Je voulais vous faire réfléchir sur un témoignage qui vaut ce qu'il vaut, parce que son auteur n'est pas toujours fiable. L'entourage de Paul Reynaud était très divers, et Paul Reynaud avait envoyé aux États-Unis René de Chambrun, avocat international, qui était par ailleurs le filleul du maréchal Pétain et le gendre de Laval. C'est donc un représentant du Parti de la Paix. Et René de Chambrun dit avoir été reçu par le président sur son yacht à deux reprises, le 14 et le 15 juin. Roosevelt, écrit-il, à la croyance presque mystique que lui seul pourra arrêter Hitler, il fera tout pour entraîner derrière lui l'opinion des États-Unis. Celle-ci ne le suivra qu'à condition que l'Angleterre dise qu'elle l'emporte, qu'elle continue malgré les revers, et que la France, même si elle signe l'armistice, conserve sa flotte et son empire. Arnaud Blin. Oui, non, il aurait pu dire ça, tout à fait. Hein. La truite se dérobe au regard, mais suit son chemin. Oui, mais ensuite. C'est-à-dire qu'il veut. Oui. Allez-y. Oui, il veut pas trop en dire. Vous savez, il avait dit à un de ses conseillers, Morgenthau, la main droite fait des choses que la main gauche ne doit pas connaître. Donc, c'est vraiment l'image de la truite est très bonne, de l'anguille. Alors, la main droite et la main gauche, l'une ignore ce que fait l'autre. Qu'est-ce qu'il va dire du gouvernement de Pétain qui se met en place? C'est-à-dire qu'il va un peu jouer sur tous les tableaux. Hein, c'est ce que lui reprochera De Gaulle, d'ailleurs. Hein. Il pense que le gouvernement Pétain peut être utile ou peut changer de direction à un moment donné. Donc il le soutient. De Gaulle, il ne va pas totalement l'écarter parce que il y a Churchill derrière qui pousse et qui lui dit que de garder De Gaulle quand même quelque part dans sa manche. Après, il va soutenir Giraud, le général Giraud, hein, qui a été fait prisonnier pendant l'offensive de 40, qui s'échappe et qui revient aux affaires et que Roosevelt va pousser. Ensuite, il soutiendra Darlan. Après la mort de Darlan, il ressoutiendra Giraud. Donc, il joue un peu sur tous les tableaux. Mais alors, est-ce qu'on peut s'arrêter pour 1940, Arnaud Blin, à sa position vis-à-vis de Pétain? Pourquoi reconnaît-il le gouvernement de Pétain? Y a-t-il des intérêts pour les États-Unis à soutenir Pétain? Oui, parce que, bon, on est au tout début, hein, on ne sait pas comment la situation va évoluer. Il pense qu'avec Pétain, ils pourront trouver un point stratégique en Afrique du Nord et à partir de là, repartir contre l'Allemagne de la périphérie. Mais Roosevelt, il est aussi très préoccupé de ce qui pourrait se passer dans les possessions françaises d'Amérique, notamment aux Antilles, où une partie de la flotte a été transférée après l'armistice, et où une partie de l'or de la Banque de France va être transférée après l'armistice. Et il a l'obsession que la guerre européenne ne vienne pas s'installer en Amérique. Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, et puis, bon, il a quand même un certain respect pour Pétain. Pour lui, c'est quand même toujours le héros de Verdun. Donc, il sait qu'il a perdu un peu de ses capacités, mais il fait tellement peu confiance à De Gaulle que finalement, il préfère se tourner vers quelque chose qui lui semble plus légitime. L'ambassadeur de Pétain à Washington, c'est Henri Hay, qui a été sénateur maire de Versailles, qui est un grand soutien du maréchal. En revanche, il n'y a pas de délégation française acceptée avant, ou mieux, l'automne 1941 à Washington, parce qu'il considère que la France libre à New York, où vous êtes là, Arnaud Blin, ce n'est que brigue, intrigue, rumeurs mondaines. Il est très informé par les anti-gaullistes qui sont oui, nombreux chez les Français de New York. Bon, il y a deux clans à New York, hein, qui chacun a son journal d'ailleurs. Donc, oui, il est informé des deux côtés. Et puis, bon, évidemment, les anti-gaullistes font leur propagande. Un élément important quand même, c'est la personne de De Gaulle. Il n'aime pas De Gaulle. Il ne lui fait pas confiance. Donc, je pense qu'une grande partie de ses choix, jusqu'à ce qu'il change hein, après en 42-43, une grande partie de ses choix sont fondés sur sa méfiance du général De Gaulle, qui penserait un opportuniste du genre Bonaparte ou général Boulanger, et un impérialiste aussi. Donc, il ne lui fait pas du tout confiance. Il relance les investissements militaires après qu'il est élu d'une nouvelle fois en novembre 1940, parce que s'il a été louvoyant comme la truite dans la rivière, c'est aussi parce que les forces américaines n'étaient pas du tout ce qu'on imagine aujourd'hui. C'était la 17e armée de terre du monde. Oui, alors en 39, il y a 340 000 soldats, ce qui est très peu hein, comparé aux autres armées. Mais bon, il n'y a pas que lui hein, qui va évoluer, parce que bon, l'opinion publique évolue, le Congrès aussi évolue. Dès la fin septembre, on met le train en marche pour avoir un service militaire qui sera voté au mois de septembre. Le 14 juin, on augmente le tonnage de la marine de 11%. L'opinion publique, à travers les médias notamment, change. Hein. Donc, et le Congrès lui-même, vous le disiez, change, qui adopte un plan qui devrait aboutir à multiplier par 60 le nombre des bâtiments de guerre. On va terminer sur ce dernier chiffre, Arnaud Blin, en disant que à partir du moment où les États-Unis vont entrer dans la guerre, ce que souhaitait le général de Gaulle, sa dimension va changer et l'accent mis sur la force productrice par les États-Unis finira nécessairement par l'emporter. Comment Roosevelt fit entrer les États-Unis dans la guerre chez Archie Poche. L'émission a été préparée par Audrey Ripouille avec Frédéric Martin, Franck Olivard et Linka Negulesco, Martin Penet pour le programme des chansons, Hélène Kouyoumjian à la réalisation et Fabrice Desmas à la technique.